Vers midi, heure à laquelle les facteurs arrivaient dans le quartier du Panthéon, Eugène reçut une lettre, élégamment enveloppée, cachetée aux armes de Beauséant. Elle contenait une invitation adressée à monsieur et à madame de Nucingen pour le grand bal annoncé depuis plusieurs mois et qui devait avoir lieu chez la vicomtesse. À cette invitation était joint un petit mot pour Eugène. « J'ai pensé, monsieur, que vous vous chargeriez avec plaisir d'être l'interprète de mes sentiments auprès de madame de Nucingen. Je vous envoie l'invitation que vous m'avez demandée et serai charmé de faire la connaissance de la sœur de madame de Restaud. Amenez-moi donc cette jolie personne et faites en sorte qu'elle ne prenne pas toute votre affection. Vous m'en devez beaucoup, en retour, de celle que je vous porte. Vicomtesse de Beauséant. » Mais, se dit Eugène en relisant ce billet, madame de Beauséant me dit assez clairement qu'elle ne veut pas du baron de Nucingen. Il alla promptement chez Delphine, heureux d'avoir lui procuré une joie dont il recevrait sans doute le prix. Madame de Nucingen était au bain. Rastignac attendit dans le boudoir, en butte aux impatiences naturelles à un jeune homme, ardent et pressé de prendre possession d'une maîtresse, l'objet de 2 ans de désir. C'est des émotions qui ne se rencontrent pas 2 fois dans la vie des jeunes gens. La première femme, réellement femme, à laquelle s'attache un homme, c'est-à-dire celle qui se présente à lui dans la splendeur des accompagnements que veut la société parisienne, celle-là n'a jamais de rivale.